France Culture avec philosophie Géraldine Mulman. Pour cette première semaine de l'année 2024, voici une série Un jour, un philosophe, une question. Aujourd'hui, nous vous proposons de réécouter l'émission du 17 octobre 2023. David Hume, le savoir n'est-il qu'un ensemble de croyances ? Nos certitudes scientifiques, mais aussi nos savoirs les plus quotidiens, banals, sont requalifiés par David Hume en croyances. Des croyances qui, certes, peuvent être raisonnables, au sens où l'habitude, c'est-à-dire l'expérience régulière, répétée, les a validées. Mais quand même, ce sont des croyances, nous dit Hume, bien moins fondées que nous le pensons. Que connaissons-nous véritablement, selon David Hume ? Sujet passionnant que vont éclaircir pour nous mes deux invités de ce matin, éminents spécialistes de l'œuvre de Hume. Bonjour Claire Etchegaray. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en philosophie britannique à l'université Paris-Nanterre et bonjour Laurent Jaffraud. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie morale à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vos travaux à tous les deux sont nombreux, ils portent sur divers versants de l'œuvre de Hume. Je renvoie nos auditeurs vers notre site pour toutes ces précisions bibliographiques. Hume pense, et par là renverse la tradition précédente, que la connaissance doit être pensée en termes d'action. Connaître essentiellement, c'est dépasser. C'est dépasser ce qui est donné, c'est dire plus que ce qui est donné, c'est affirmer plus qu'on ne sait. Hume nous dit, c'est croire. Si je dis le soleil se lèvera demain, ce qui m'est donné, c'est seulement les 1000 fois où j'ai vu que le soleil se levait. Mais je dis plus dans la proposition vraie, le soleil se lèvera demain. J'affirme qu'il se lèvera demain et par définition, demain c'est ce dont je n'ai pas l'expérience, c'est ce qui n'est pas encore donné. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mulman. Vous venez d'entendre une archive de Gilles Deleuze dans l'abécédaire de Gilles Deleuze produit par Pierre-André Boutan en 1988-89. Et Deleuze revient sur un exemple fameux de Hume. Le soleil se lèvera-t-il demain? Puis-je l'affirmer avec certitude? Ce que suggère là Deleuze, mais ce sont vous les spécialistes qui allez nous le préciser maintenant, c'est que l'expérience peut certes permettre d'accumuler, de repérer des choses habituelles qui se sont passées, mais stricto sensu, elle ne peut faire qu'une probabilité à propos de demain. Stricto sensu, on ne peut pas avoir une certitude sur l'avenir. Est-ce que c'est cela ou est-ce que je simplifie les choses, Claire Etchegaray ? Ah non, pas du tout. Je pense que c'est exactement cela. Et Deleuze a bien vu que derrière l'empirisme de Hume, ce qu'on pourrait appeler l'empirisme de Hume, en réalité, il y a la conviction, peut-être la plus marquée dans l'histoire de la philosophie, que notre réalité est en majeure partie construite de ces faits non perçus, que notre monde est construit par ces faits non perçus. Et donc, derrière cette notion parfois un peu simplificatrice de l'empirisme de Hume, en réalité, il y a quelque chose qui reste à penser de très intéressant, qui est comment on peut construire ce monde de faits justement à partir de notre expérience. Y a-t-il des lois de l'expérience qu'on puisse dégager du passé, Laurent Jaffraud, qui permettent quand même d'être sûr que demain le soleil se lèvera ? Oui, nous sommes certains que demain le soleil se lèvera en fait. C'est la certitude du sens commun, c'est-à-dire que elle est équivalente. Enfin, c'est une probabilité extrêmement élevée. Ah voilà, qui c'est pas une certitude, est équivalente, une probabilité, est équivalente en pratique à une certitude. D'accord. Puisqu'il n'y a aucune contrariété. Donc Hume ne verrait aucun inconvénient à ce qu'on dise qu'il est certain que le soleil se lèvera demain. D'un point de vue philosophique, en revanche, il n'y a pas de certitude au sens strict. Voilà. Mais il est vrai que nos croyances se règlent et doivent se régler sur les expériences passées, sur leur fréquence, sur la constance. Alors, on va lire l'un des endroits de son œuvre où il évoque cet exemple. Le soleil se lèvera-t-il demain ? J'aurais juste qu'on dise un petit mot d'abord biographique sur Hume, qu'on l'incarne un petit peu. Donc, il naît en 1711 en Écosse. Son père est avocat. Il va mourir d'ailleurs, ce père, quand David Hume est encore enfant. Il ne vient pas d'un milieu social très aisé. Il en dès 12 ans à l'université, à Edinburgh, c'est quand même quelque chose, hein, où il fait des études de droit. Et puis, il va faire paraître, après avoir été un peu chez les jésuites en France, un texte en 1739. Il est donc quand même assez jeune, traité sur la nature humaine. Il sait, lui, que c'est génial. Et puis, silence total. Claire Etchegaray, il en sera terriblement déçu. Personne ne voit le génie. Il est déçu du fait que le traité ne rencontre pas le succès éditorial escompté. Néanmoins, des chercheurs ont montré depuis qu'il y avait eu une réception du traité. Oui. Mais sans doute qu'à 24 ans, on attend encore plus ou mieux. Et surtout, il va réfléchir à une manière de refondre cette œuvre dans un style beaucoup plus accessible. J'ai une collègue qui dit souvent aujourd'hui il aurait écrit des blogs, si vous voulez. Et effectivement, en écrivant des essais moraux et politiques qui eux vont se vendre en 1741, il conçoit une autre manière d'écrire, et c'est dans cette autre manière d'écrire que le texte que vous annonciez tout à l'heure est rédigé, c'est-à-dire dans l'enquête sur l'entendement humain. Voilà, l'enquête sur l'entendement humain, qui est un livre assez court, impressionnant, d'esprit de synthèse, il n'y a pas un mot en trop, publié en 1748. C'est un texte unique dans l'histoire de la philosophie, je veux dire, ne serait-ce que par cette forme, Laurent Jaffraud. Oui, c'est une écriture qui en apparence est facile, en tout cas Hume s'efforce de l'être, mais qui en réalité repose sur tout le contenu, toutes les analyses du traité. Hume présente sa façon d'écrire en distinguant la philosophie facile, qui serait proche du sermon, et la philosophie difficile ou obscure, qui est la métaphysique. Mais en réalité, l'une complète l'autre. Donc l'enquête est vraiment un texte pédagogique extraordinaire. Pour commencer en philosophie, on peut commencer par l'enquête. Oui. Mais les difficultés se multiplient dès qu'on plus essaie simple, de creuser plus un peu. Plus, voilà. Oui, absolument. Et alors, dernier mot quand même, parce que Hume va devenir bibliothécaire à Édimbourg. Il écrira 6 volumes d'une histoire de l'Angleterre entre 1754 et 1762. Et c'est quand même assez fou, parce que malgré tout, en son temps, c'est surtout pour ce talent d'historien qu'il est reconnu, bien plus que pour ce talent de philosophe. Peut-être que j'exagère un peu. Oui, mais dans ce contexte écossais, l'histoire est vraiment une discipline reine, aussi importante que la philosophie morale. Et est-ce qu'on la lit encore, l'histoire de l'Angleterre de Hume ? C'est toujours un classique, bien sûr. Pour les historiens ou pour les philosophes ? Alors, pour les philosophes, c'est très intéressant. Il y a eu des lectures de Hume, comme celle de Claude Gauthier, qui se sont beaucoup appuyées sur l'histoire de Hume. Qui sera notre invité pour le quatrième épisode, lorsque nous parlerons du rapport de Hume à la politique. En tout cas, Claire Etchegaray, on a affaire à un personnage singulier, qui sera d'ailleurs plus tard secrétaire à l'ambassade de France, puis sous-secrétaire d'État à Londres. Un personnage qui a aussi eu des engagements politiques, qui est historien, qui est bibliothécaire, et dont nous savons aujourd'hui qu'il est un immense philosophe. Parce que peut-être son temps ne savait pas forcément autant que nous. Tout à fait. Et donc, la préoccupation de la certitude qu'on peut avoir concernant les faits, évidemment, traverse d'une certaine manière ces éléments biographiques que vous venez de rappeler. J'ajoute même, je crois, qu'il a négocié des prisonniers anglais en France. Enfin, quand on dit qu'il était engagé, c'était effectivement quelqu'un qui participer dans tous les sens du terme à la politique et au savoir de son temps. Alors maintenant, entrons un peu dans le texte. Donc premièrement, abordons les questions liées à la connaissance par la distinction fameuse que fait Hume entre les domaines du savoir qui concernent les relations d'idées et le domaine du savoir qui concerne les faits. Ce sont des domaines distincts, profondément distincts, et la question de savoir si le soleil se lèvera demain relève du deuxième domaine, qui est assurément bien plus complexe que le premier. On écoute cet extrait de l'enquête sur l'entendement humain. Tous les objets de la raison humaine ou de nos recherches peuvent naturellement se diviser en deux genres, à savoir les relations d'idées et les faits. Du premier genre sont les sciences de la géométrie, de l'algèbre et de l'arithmétique. Et en bref, toute affirmation qui est intuitivement ou démonstrativement certaine. Le carré de l'hypoténuse est égal au carré des deux côtés. Cette proposition exprime nos relations entre ces figures. 3 fois 5 est égal à la moitié de 30, exprime nos relations entre ces nombres. Les propositions de ce genre, on peut les découvrir par la seule opération de la pensée, sans dépendre de rien de ce qui existe dans l'univers. Même s'il n'y avait jamais eu de cercle ou de triangle dans la nature, les vérités démontrées par Euclide conserveraient pour toujours leur certitude et leur évidence. Les faits, qui sont les seconds objets de la raison humaine, on ne les établit pas de la même manière. Et l'évidence de leur vérité, aussi grande qu'elle soit, n'est pas d'une nature semblable à la précédente. Le contraire d'un fait quelconque est toujours possible, car il n'implique pas contradiction, et l'esprit le conçoit aussi facilement et aussi distinctement que s'il concordait pleinement avec la réalité. Le soleil ne se lèvera pas demain. Cette proposition n'est pas moins intelligible et elle n'implique pas plus contradiction que l'affirmation « il se lèvera ». Nous tenterions donc en vain d'en démontrer la fausseté. Donc, le savoir de nature géométrique ne pose pas grand problème. Le carré de l'hypoténuse est égal au carré des deux côtés, écrit Hume, si je lis bien, Claire Etchegaray. Ce qui est lié au calcul, ça va aussi. 3 fois 5 est égal à moitié de 30. Là, prenons cet ensemble de cas d'abord. Le cerveau humain est une machine qui fonctionne. Ça ne renvoie à rien nécessairement de... Enfin, aucune substance extérieure à l'humain, c'est peut-être que notre cerveau qui fabrique toutes ces choses, mais ce sont des relations valables à partir desquelles on peut faire d'autres déductions en matière de calcul et de géométrie. Dans ce domaine-là, il y a du savoir. On peut dire ça, Claire Etchegaray ? Je crois que vous avez parfaitement raison, et je crois que c'est l'effet qui voulait produire un texte qui semble comme ça très, très lisse et ne rien dire de plus que de quelque chose qui est assez évident en mathématiques, effectivement. Et c'est finalement quelque chose que les philosophes ont toujours dit, manifestement, si on considère que des essences ou des vérités nécessaires, pas besoin de s'en remettre à l'expérience. On fait des relations d'idées, c'est-à-dire qu'on n'a qu'à concevoir quelque chose indépendamment de la question de savoir si cette chose existe ou pas. Et par exemple, on peut concevoir Londres et Paris. Londres est plus grande que Paris. Ça, c'est une relation purement géométrique. Très bien. Mais quand en réalité... Quand est-ce que ça se complique ? Voilà. En réalité... Pourquoi les faits ? Alors, qu'est-ce que c'est les faits, déjà ? Le domaine des faits pour alors, d'abord, sans doute on peut dire que Hume donc retrouve une distinction. On va appeler cette distinction la fourche de Hume chez les commentateurs entre les vérités de raison, comme disait oui. Leibniz, et les vérités de fait en fait. Oui. Hein. Très bien. Là où ça se complique, tout simplement, c'est que d'une certaine manière, cette fourche est trompeuse parce que il s'agit néanmoins toujours de la même certitude dans les deux cas. Je pense que d'accord. Laurent va le dire dans un instant. C'est-à-dire que même en mathématiques, il est question de croyance. Il est question de sentir. Hume l'a dit dans l'abrégé du traité de la nature humaine. En fait, on sent qu'on ne peut pas concevoir quelque chose qui soit contraire à 2 plus 2 égale 4. Et donc, on sent donc que 2 plus 2 égale 5, ça ne va pas. Voilà. Donc, c'est encore une affaire de sentiment. Donc, ça, c'est la première chose. D'une certaine manière, ce que Hume va nous dire après ce texte, c'est que tout est affaire de croyance. Et deuxièmement, le second point, c'est que concernant les faits, ce fameux exemple du soleil qui se lèvera demain, en réalité, c'est un exemple qui court à l'époque, là encore, très consensuel. Une fois encore, quand il écrit, je pense, ces deux paragraphes, Hume est un grand roublard. En réalité, il annonce des subversions bien plus grandes. Et cet exemple-là, c'est l'exemple paradigmatique de ce que les logiciens de l'époque nomment la certitude morale, au sens où justement, ils disent que dans la vie de tous les jours, on ne peut pas tout démontrer. Et s'il fallait tout démontrer, effectivement, alors il n'y aurait même pas la possibilité de prévoir que demain on va aller chez le dentiste, de prévoir qu'on a une émission à préparer, etc., etc. Et donc, en fait, tout serait absurde. Résultat, concluaient ces logiciens, ces penseurs, il faut s'en remettre à la foi. Et c'est pourtant pas ça non plus que va dire Hume. Donc d'un côté, il dit encore autre chose. Les mathématiques, ça relève quand même un peu du sentiment, c'est même pleinement du sentiment. D'un autre côté, les faits, c'est de la croyance, mais c'est quand même pas de la foi. Le problème serait donc peut-être que les faits, le contraire est toujours au moins possible. C'est ce qu'il dit dans le texte lorsqu'il écrit Hume que la proposition inverse, le soleil ne se lèvera pas demain, n'implique pas plus de contradiction que l'affirmation il se lèvera. Le pas plus, là, c'est vraiment une histoire de sceptique. Hein. Ça renvoie à toute l'histoire du scepticisme qu'on a vu hier dans le premier épisode. Laurent Jaffro. Qu'est-ce qui fait néanmoins que ce n'est pas juste de la foi de dire qu'il se lèvera ? C'est une croyance raisonnable, c'est pas la même chose que de la pure foi. Pourquoi ? Oui, et même on peut dire qu'on découvre une forme de nécessité dans l'exploration des faits quand on découvre des régularités, des causalités qui sont manifestes. La question est assez compliquée. Je voudrais revenir pour vous répondre d'abord à la distinction que fait Hume entre les relations d'idées et puis les faits. Parce qu'il y a deux points. De quoi parle Hume ? Est-ce qu'il parle de ce que devraient être les démonstrations des mathématiciens ? Ou est-ce qu'il parle de la pratique effective des mathématiciens, de la façon dont les mathématiciens font des démonstrations? Et pour Hume, il y a une différence. C'est que si on considère l'idée de démonstration, une démonstration est régie par la nécessité logique. D'accord. Mais si on considère la façon dont les mathématiciens font des mathématiques, eh bien, ils ont des limitations psychologiques comme tout le monde. Il y a du sentiment, comme disait Claire. Il y a du sentiment. Et par conséquent, c'est la même psychologie qui va expliquer les opérations effectives des mathématiciens et les opérations de tout un chacun, les opérations des chimistes sur les faits. Donc en fait, la distinction qui paraît si forte entre connaissance et probabilité, elle est relativisée dès qu'on considère l'explication des mécanismes mentaux que suggère Hume. Alors, quant aux faits, de la même façon, on a l'impression, effectivement, les faits, c'est le domaine de la contingence, ce n'est pas régi par la nécessité logique, mais il n'empêche que l'esprit est poussé par une forme de nécessité distincte de la nécessité logique à croire. Mais pour les physiciens, excusez-moi, mais c'est la même certitude, je crois, que de dire le soleil se lèvera demain parce qu'on a fait tous nos calculs et il se lèvera demain et on peut même vous donner l'horaire. C'est la même certitude que de dire 2 sont 4. Est-ce que c'est parce que, du point de vue de Hume, ils ont juste oublié le risque qu'il y ait un accident de l'univers entre maintenant et demain matin ? C'est ça, ils se rendent pas compte qu'en réalité, c'est plus incertain qu'ils ne le disent ? Hume n'endosse pas vraiment l'idée selon laquelle la nature parle un langage mathématique, l'idée selon laquelle les mathématiques sont l'outil essentiel de compréhension de la nature, en fait. Il retient autre chose de la méthode de Newton. Il retient l'importance de l'expérimentation et de l'observation. Donc effectivement, c'est un des points faibles de la philosophie de Hume, sa philosophie des mathématiques. En fait, cet exemple le plus célèbre est peut-être le moins convaincant sur le soleil, là. C'est, en tout cas, il ne permet pas d'éclairer vraiment ce qu'est une connaissance scientifique. En tout cas, si je vous suis bien, il fait quand même la différence entre la physique et les maths. Oui. Mais il en reste quand même à la vieille distinction qu'on trouvait dans Augustin, de la foi des choses qu'on ne voit pas, entre l'évidence et la croyance, entre ce qui est donné immédiatement, les perceptions, et ce qui dépasse, c'est ce dont parlait Deleuze dans l'extrait, oui. Ce qui est présent et visible, c'est-à-dire l'invisible, ça c'est objet de croyance. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Notre savoir n'est-il qu'un ensemble de croyances? C'est la question que nous posons ce matin en explorant l'œuvre du philosophe écossais du XVIIIe siècle, David Hume, qui, en effet, rapporte énormément de choses que nous savons, en fait, à des croyances sans doute raisonnables, mais des croyances quand même. Je suis en compagnie de Claire Etchegaray et de Laurent Jaffreau. Nous avons commencé à lire un peu un texte très connu de David Hume dans l'enquête sur l'entendement humain de 1748. Je vous propose d'enchaîner par un autre texte qui entre encore davantage dans le problème des faits. Comment pouvons-nous valider par un savoir les faits et dans ce texte, vous allez le voir, Hume considère que seule l'expérience le peut, ce qui marque aussi un certain nombre de limites en matière de savoir sur les faits. Tous les raisonnements sur les faits paraissent se fonder sur la relation de la cause à l'effet. C'est au moyen de cette seule relation que nous dépassons l'évidence de notre mémoire et de nos sens. Si vous demandiez à quelqu'un pourquoi il croit à la réalité d'un fait qu'il ne constate pas effectivement, par exemple que son ami est à la campagne ou en France, il vous donnerait une raison. Cette raison serait un autre fait, une lettre qu'il a reçue de lui ou la connaissance de ses résolutions antérieures et de ses promesses. Un homme qui trouverait une montre ou une autre machine dans une île déserte conclurait qu'il y a eu précédemment des hommes sur cette île. Tous nos raisonnements sur les faits sont de même nature. On y suppose constamment qu'il y a une connexion entre le fait présent et ce qu'on en infère. Si donc nous désirons nous satisfaire au sujet de la nature, de l'évidence qui nous donne la certitude des faits, il faut que nous recherchions comment nous arrivons à la connaissance de la cause et de l'effet. J'oserais affirmer, comme une proposition générale qui n'admet pas d'exception, que la connaissance de cette relation ne s'obtient en aucun cas par des raisonnements a priori, mais qu'elle naît entièrement de l'expérience. Les faits, Claire Etchegaray, ne sont vraiment connus que lorsqu'on sait ce qui les a produits. Est-ce que du coup, c'est le... Parce qu'il part immédiatement, David Hume, vers la question de la causalité. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est la conviction fondamentale de Hume, c'est que lorsqu'on raisonne sur les faits, à un moment, on va faire alors une sorte de relation qui n'est pas à entendre au même sens que tout à l'heure. C'est-à-dire, on passe d'une idée à une autre entre ce qu'on tient pour un effet et ce qu'on tient pour la cause. Néanmoins, ce que Hume va montrer, c'est là encore que ce qu'on l'idée assez simple que les philosophes, les savants, et peut-être tout à chacun pourrait avoir, et peut-être un peu trompeuse. L'idée assez simple qu'on pourrait avoir, c'est il suffit de savoir que A cause B pour qu'en présence de B, j'en infère A. Oui. C'est apparemment la démarche la plus simple, et c'est ce qui était avancé à l'époque, par exemple par Isaac Watts en logique, qui avait donné un manuel très connu. Sauf que, dit Hume, précisément, la question c'est de connaître cette connexion entre A et B. Oui. Et en réalité, donc, alors, il faut distinguer, eh bien, le raisonnement qu'on fait en tant que philosophe, quand on cherche la cause, et puis le passage qui se fait naturellement, hein, on suppose constamment qu'il y a une connexion. Ouais. Et donc, on suppose qu'il y a une relation qu'on se formule même pas, vous voyez, sous la catégorie de causalité. En réalité, contrairement peut-être à ce que Kant a cru, on n'a pas besoin d'un concept de cause pour, en face du feu, ou en face de la fumée, pardon, attendre du feu. C'est l'inverse. Si je peux me permettre, c'est ça que je trouve vraiment difficile dans le propos de Hume, c'est que les faits ne puissent être validés que par l'expérience sensible, ou alors se pose la question du témoignage, et nous allons y venir. Ça, je trouve ça assez aisé à comprendre. Mais qu'il faille tout de suite, c'est lui qui le dit, hein, c'est pas nous. Hein, le fait de dire que tout de suite, il faut penser la cause des effets dans les faits FAITS que nous voyons, je ne vois pas pourquoi il introduit ce problème. Voilà. Je ne suis pas sûre qu'il faille penser la cause. En revanche, donc ce que montre Hume, c'est plutôt que notre idée de cause dérive de ce passage qu'on fait constamment entre une idée à une autre, d'une idée à une autre, d'un fait, quand on attend quelque chose, ou quand même, dira Hume, effectivement, hein, quand on croit en un fait historique passé. Bref, quand on infère un fait non perçu, on fait une transition entre quelque chose qu'on voit, ça peut être des lignes sur un livre, le propos de quelqu'un à la radio, ou la fumée que je vois, et on passe à un autre fait. Et cette transition-là, c'est le raisonnement sur les faits. C'est ce que le philosophe appelle l'inférence causale, qui n'est qu'une association. D'accord. Donc ça, c'est une association. Dans un deuxième temps, et c'est là le renversement de Hume, dans un deuxième temps, Hume nous dit, pour faire cette association-là, on ne réfléchit pas, on n'a pas l'idée de cause en tête. Non, c'est l'inverse. L'idée de cause, en fait, elle dérive de cette association, ouais, qu'on se sent déterminé de faire, à faire entre la présence de la fumée et le feu. Donc, juste, Kant, d'une certaine manière, qui dit on a besoin d'un concept a priori de cause pour faire nos jugements sur l'expérience, d'une certaine manière, ne répond pas vraiment à Hume. On dit souvent, Kant a répondu à Hume, hein, en introduisant un concept a priori de cause. Mais d'une certaine manière, ce que Hume dit là, c'est que pour construire des jugements d'expérience attendant des faits qu'on ne voit pas, en réalité, on n'a besoin que d'une association que le philosophe appelle causale, mais qui se fait en nous, naturellement. Et ça, Locke ne le disait pas déjà? Alors, John Locke, Laurent Jaffreau, qu'est-ce qu'il y a de neuf là chez Hume? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont neuves. D'abord, le fait que Hume pose une question que Locke ne posait pas vraiment, à savoir celle de la justification ultime de notre savoir. C'est une question à laquelle la réponse est, enfin la réponse que donne Hume est très frustrante, puisque il nous explique qu'il n'y en a pas. Donc il faut distinguer deux questions, celle de l'usage correct des relations de causalité, qui sont absolument essentielles à l'enrichissement du savoir, puisque sans croyance causale, on aurait accès qu'à ce qui nous est donné actuellement et présentement. On ne pourrait pas vivre ordinairement, savoir donc, que si on se renverse du café, ça tâche sa chemise. Exactement. On ne pourrait rien faire. C'est ce qui nous donne accès au passé et à l'avenir, également à ce qui est lointain, explique Hume. Donc il y a cette question-là, l'usage correct de ces relations de cause à effet. Et puis l'autre question qui est celle de la justification, oui, de ces relations, de ces croyances, puisque comme le dit Hume, en fait, la forme de nécessité qui a l'œuvre dans la causalité n'est pas la nécessité logique, pour la simple raison que l'événement qui est la cause et l'événement qui est l'effet sont indépendants. S'ils étaient logiquement connectés, il y aurait une relation de principe à conséquence, ce ne serait pas des faits d'une autre nature que les relations d'idées, en fait. Donc nos anticipations ne sont pas débile. Enfin, je veux dire, on fait quelque chose qui est raisonnable. Oui. Mais il faut bien que nous comprenions que ces anticipations, bon, le café va tâcher la chemise s'il tombe, etc., sont des anticipations fondées non pas sur une nécessité absolue, mais sur notre expérience qu'en général, quand le café tombe sur la chemise, il l'attache. C'est oui, ça. C'est une espèce ça. D'habitude, mais qui est une croyance tout à fait raisonnable. De la oui. Fonder ça sur l'habitude, c'est bien. Et cette interrogation apparaît sur le fond du défi lancé par le sceptique. Oui. C'est ça qui est important, en fait. Précisez-moi, parce que c'est le sceptique qui exige que notre savoir soit pleinement assuré. Oui. Donc le sceptique demande... Enfin, le comment... philosophe, en général, se pose ce genre oui, de questions, des fondements. Il y a des philosophes qui font preuve de plus de confiance, en fait, dans les différents témoignages, et qui ne se posent pas la question, c'est une forme aussi dramatique, mais le sceptique exige un fondement complètement assuré de ce genre de croyances, et croyances causales. Et Hume répond que nous n'avons pas... Il n'y a pas de fondement en dehors de la psychologie. Donc il déplace complètement le regard sur la question et il entreprend de fournir une explication psychologique de la formation des croyances causales sans renoncer du tout à l'idée qu'il y a un usage correct. Donc il y a aussi un point de vue, il y a un point de départ normatif de Hume. Il veut aussi rendre compte de ce qu'est un fonctionnement correct de l'esprit. Donc à la fois il explique comment ça fonctionne et en même temps il explique comment on peut avoir des croyances raisonnables ou déraisonnables, ce qui lui permet de distinguer entre des croyances superstitieuses notamment et des croyances régulières. On reviendra là-dessus. Demain, nous aurons un épisode consacré à la question de la religion, selon David Hume. Mais évidemment, la question de la superstition sera très importante. Alors, je voudrais qu'on approfondisse le problème de ce qu'est un fait et dans quelle mesure nous pouvons valider, alors sans doute pas avec une certitude absolue, mais avec une croyance raisonnable, que telle chose a eu lieu. Alors évidemment, quand on a été présent, là on est dans l'expérience, comme dit Hume, là on le sent par son corps, on le voit, mais lorsqu'on nous le rapporte, parce que nous n'avons pas assisté à toutes les choses dans lesquelles nous croyons, là ça pose un problème. Quelle foi peut-on prêter de manière raisonnable au témoignage que nous entendons? C'est l'objet d'un texte très intéressant encore dans l'enquête sur l'entendement humain de 1748. Écoutez. Nous entretenons des doutes sur une question de fait, quand les témoins se contredisent les uns les autres, quand ils ne sont pas assez nombreux ou qu'ils sont d'un caractère douteux, quand ils ont intérêt à porter une affirmation, quand ils énoncent leur témoignage avec hésitation ou au contraire, avec des affirmations trop violentes. Il y a beaucoup d'autres points du même genre qui peuvent diminuer ou détruire la force d'un argument tiré du témoignage humain. Supposez par exemple que le fait que le témoignage essaie d'établir participe de l'extraordinaire et du merveilleux. Dans ce cas, l'évidence qui résulte du témoignage admet une diminution plus ou moins grande en proportion de ce que le fait est plus ou moins inhabituel. Je ne croirais pas une telle histoire, même si Caton me la racontait. C'était une maxime proverbiale à Rome, même du vivant de ce patriote philosophe. L'incrédibilité d'un fait, accordait-on, pouvait invalider une autorité aussi grande. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Alors, on a l'impression là que la méthode que propose Hume, parce qu'il s'agit un peu de ça, enfin, sauf si vous ne considérez pas que ce soit un bon mot, la méthode consiste à équilibrer deux enjeux. Lorsqu'on nous raconte une histoire, bon, si l'histoire est un peu inhabituelle, soit elle est quand même assez probable, compte tenu de ce que nous savons de la vie, et donc on peut un peu la croire, même si le personnage qui la relate... Nous ne connaissons rien de lui. Mais si vraiment, vraiment, elle est inhabituelle, alors il faut que le personnage qui relate soit franchement fiable, lui. Donc il y a une espèce d'équilibrage, me semble-t-il, qui concerne le contenu de ce qui est raconté et le personnage qui raconte. Est-ce que c'est pas la bonne manière de voir le problème, Laurent? En fait, votre manière de présenter les choses est tout à fait classique. C'est l'état des discussions sur le témoignage qui ressort, par exemple, de Port-Royal. Et effectivement, à première vue, le texte de Hume dit ce genre de choses. Oui. Mais en réalité, donc l'idée selon laquelle la valeur d'un témoignage humain dépend du crédit du témoin, c'est une idée classique. D'accord. Mais dans l'explication que donne Hume des témoignages, en fait, c'est complètement marginalisé et le crédit, par exemple la moralité, la dignité du témoin n'est pas du tout l'élément décisif. Pourquoi ? C'est parce que qu'est-ce qu'un fait ? Un fait, c'est ce qui est objet de témoignage, oui. ce qu'on établit non pas par une démonstration, mais par des témoignages. Par quels témoignages ? Les témoignages des sens, témoignages de l'expérience. Et aussi les témoignages au sens propre, les témoignages des témoins. Et le génie de Hume sur cette question, c'est de mettre en balance tous ces témoignages d'expliquer comment la croyance, selon un principe de proportion aux données, aux évidences, comment la croyance en fait réagit à l'ensemble de ces données, avec une contrariété entre les données qui viennent du témoin humain, qui prétend qu'il y a eu un miracle, par exemple, et les données qui viennent de l'expérience, qui sont contraires. Et comme les données de l'expérience sont plus nombreuses que les données du témoignage humain, on doit douter de la réalité du miracle. Donc, mais quand il dit dans ce texte « Je ne croirais pas une telle histoire, même si Caton me l'a racontée », vous êtes d'accord qu'il suggère qu'il y a quand même pas mal d'histoires que je pourrais croire si c'est Caton qui me les raconte, parce que Caton, c'est un personnage de sagesse, il va pas me pipoter, pour le dire en langue d'aujourd'hui. Mais il y a quand même certaines histoires où même si Caton himself me les racontait, c'est pas possible, je ne peux pas les croire, c'est ça? Je pense que c'est valable pour toutes les histoires et que la valeur du témoin ne compte pas vraiment. D'accord, en réalité. Vous pensez que... En fait, c'est mécanique. Oui. En fait, nos croyances sont motivées. Et motivé, alors pas au sens des juristes, pas au sens de justifier par des raisons, motivé au sens des philosophes, c'est-à-dire causé. D'accord. Causé par des données. Et donc plus on a de données... La question du témoin est très secondaire par rapport aux données sensibles intégrées dans le témoignage. Exactement. C'est la quantité des données. Et qu'est-ce que vous êtes d'accord? Alors, le témoin n'a pas d'importance. En un sens, je pense que le passage donne vraiment raison à Laurent, mais en même temps, il me semble que justement, on peut aussi un petit peu complexifier l'affaire. Donc, le passage donne absolument raison à Laurent, parce qu'il faut rappeler qu'effectivement, c'est un proverbe dans la Rome antique, hein, et donc. C'est plus tard qu'il raconte ça. Apparemment, un orateur aurait dit, mais un seul témoin ne peut pas valoir dans une cour de justice, même si c'est Caton. Oui. Il faut plusieurs témoins. Et donc, c'est le principe testis unus, testis nullus, c'est-à-dire un seul témoin, ça ne vaut pas, quand bien même il aurait une probité extraordinaire. On sait très bien que Sénèque louait la fermeté d'âme de Caton. Oui. Très bien. Donc, en un sens, là, le passage, enfin, c'est pas en un sens, le passage vraiment confirme ce que dit Laurent. Et en un sens aussi, voyez, on peut rapprocher ce que nous dit Hume ici d'un principe de prudence qu'on trouve désormais beaucoup chez les debunkers, les youtubeurs, vous savez, certains se sont donné le titre de, je crois, zététique. Alors c'est tout à fait ça, cette idée que un fait extraordinaire demande pour être cru une preuve extraordinaire. C'est ça qu'on trouve, hein. C'est ça que les lycéens maintenant ont adopté. Ils sont beaucoup moins crédibles que ce qu'on peut croire. Ils commencent à que ce qu'on peut penser, et ils commencent à développer une certaine éthique de la croyance. Donc c'est un peu cette thèse-là. Ils sont humains, quoi. D'ailleurs, je crois que les fameux debunkers s'autorisent clairement d'une lecture de la section 10 de l'enquête sur l'entendement humain de Hume. Simplement, ce qu'il faut souligner, c'est que Hume ne se contente pas d'opposer une probabilité interne. Ce qu'on appelait une probabilité interne, c'est la conformité d'un fait à notre expérience propre, à une probabilité externe. Et ce qu'on appelait la probabilité externe à l'époque, c'était effectivement tout ce qui était relatif à la probité du témoin, qui ne ment jamais, qui soit très nombreux, etc., etc. etc. Et en fait, là encore, les logiciens de l'époque séparaient vraiment les deux raisonnements, celui qui est donc testimonial, qui se base sur le témoignage, et puis celui qui se base sur l'expérience, sur la probabilité. En réalité, Hume dit constamment, dans la vie de tous les jours, on mélange les deux, c'est-à-dire que on donne tout ce qui va à l'appui d'un fait, qu'il vienne du témoignage ou de notre expérience propre, et on n'a pas une expérience propre qui peut être universelle, évidemment, là encore, il y a beaucoup de témoignages qui constituent notre expérience. Ça, ça va dans le sens de, donc, en faveur d'un fait ou pas. Le problème vient, qu'est-ce qu'on fait quand on est face à un fait inouï. Oui, comme et dit même Ricoeur, raconté par un type formidablement probe, naturel. Comme dit Ricoeur, qu'est-ce qu'on fait là? Ou même pas, Géraldine Mühlmann, qu'est-ce qu'on fait, comme dit Ricoeur, dans La mémoire et l'oubli, devant les tout premiers témoignages des rescapés des camps? Qu'est-ce qu'on fait quand donc on est face à un témoin qui manifestement n'a aucun intérêt à mentir, très bien, mais qui nous raconte quelque chose d'inouï. Mmh. C'est là où, effectivement, l'empirisme, si vous voulez, de Hume, ou en tous les cas, la philosophie de Hume, rencontre un peu un cas test. C'est ça, si Hume se permet de rendre compte de cela, alors il nous permet de comprendre l'ouverture d'esprit, alors il nous permet d'aller plus loin que, effectivement, notre expérience passée, que ce soit en matière de témoins ou que ce soit notre expérience propre par les sens. L'inouï, Laurent Jaffraud, vous pensez que c'est une question qui a été embrassée entièrement par Hume? Oui, je pense que Hume, il y a beaucoup de passages dans les textes de Hume où il est question d'expérience de pensée qui envisage des situations complètement inédites, et quelque chose d'inouï. Donc Hume essaie de réfléchir à des cadres, à des circonstances complètement différentes des nôtres. Il y a beaucoup de raisonnements, par exemple, à partir du point de vue d'un alien. Mm-hmm. Donc en ce sens-là, oui, il y a une ouverture à cette question. Alors, il y a quelqu'un qui m'apparaît humien, mais c'est un petit jeu que je vous propose. C'est un documentariste très probe, très reconnu. Il s'appelait William Carell et il a fait des documentaires extrêmement reconnus. Et puis, un jour, alors la question se pose de savoir pourquoi, mais on va peut-être laisser de côté cette question. William Carell a monté un faux documentaire, un documenteur, comme il a dit, à propos de l'opération sur la Lune, et ça s'appelle d'ailleurs Opération Lune, en 2002, à propos du fait que nous soyons bien allés marcher sur la Lune, que les Américains ont vraiment fait cela. Et comme il le montre très bien et que lui-même est très crédible, il semble qu'il soit convaincant. Et donc ça pose un vrai problème, un témoin quand même très crédible peut rendre de surcroît quelque chose de très crédible, encore plus crédible. On écoute le propos de William Carell lui-même sur son propre documentaire. J'ai fait ce film, je venais de finir un film qui s'appelle Le journal commence à 20h. J'avais passé 3 mois plongé en immersion dans les conférences de rédaction de comment on fabrique un journal télévisé. Et c'est pas un hasard si j'ai fait celui-ci après, parce que j'ai vu comment on pouvait manipuler et jouer avec les images et trafiquer. Si vous faites l'expérience de voir ces petits sujets d'une minute trente qui passent tous les soirs, les 15 sujets que vous voyez pendant le journal télévisé, si vous coupez le son, c'est même pas de quoi on parle. C'est des images mis bout à bout, sans queue ni tête. Et moi, ça me passionnait de voir qu'on pouvait faire quoi. En changeant le commentaire, vous pouvez raconter exactement ce que vous vouliez. Mais Godard était le premier. Hein, c'est le premier qui était chez Anne Sinclair. Et on lui a demandé de commenter les images des premiers pas sur la Lune. Il a poussé le téléviseur en disant c'est un faux. Moi, ça m'avait servi de point de repère. J'ai pas réussi à trouver l'image, je voulais la mettre en pré-générique, mais il l'avait fait. William Carell, en plus, a produit ce documentaire Opération Lune. On a diffusé ce documentaire sur Arte en première partie de soirée et beaucoup de gens n'y ont vu que du feu. Comment on analyse cela, Laurent Jaffraud? Lui est assez crédible, je me suis permis de préciser cela, même si vous m'avez dit que chez Hume, c'est pas très important la crédibilité du témoin. Il me semble que là, ça a quand même compté. Et puis, tout simplement, le réel peut très vite se trafiquer, donner l'impression d'être de la fiction, c'est ce que dit Godard, voire se remonter autrement de manière fictionnelle. C'est un peu inquiétant. Alors, la crédibilité d'un témoin n'est pas importante pour Hume quand on parle de l'usage correct des témoignages. Oui. C'est-à-dire de raisonnements sur les faits qui sont conduits correctement en étant bien informés par l'expérience. En revanche, quand il s'agit d'expliquer des mécanismes psychologiques, de décrire les mécanismes psychologiques par lesquels des gens peuvent croire n'importe quoi, il est clair que la crédibilité d'un témoin peut jouer, elle peut motiver des croyances incorrectes. Mais là, en fait, il n'y a pas souvent le témoin, il y a la chose elle-même. Alors, en fait, Hume n'est pas simplement sceptique, c'est aussi un scientifique, et sa science, c'est la psychologie, qui n'a pas ce nom-là, elle ne porte pas ce nom, voilà, ça veut dire autre chose à l'époque, c'est une partie de la métaphysique, mais bon, donc pour Hume, c'est la science de la nature humaine. Scientifique, il estime que, donc c'est très normatif la science, il estime qu'il y a des raisonnements corrects et des raisonnements qui ne sont pas corrects, y compris sur les faits. Psychologue, il essaie d'expliquer comment se forment nos croyances. Donc, comment Hume aurait réagi à ce cas d'école et ce documentaire faux, eh bien, il aurait essayé d'expliquer comment il se fait qu'on puisse croire. Oui, comment il se fait? Comment aurait-il répondu? Voilà. Et donc, on peut imaginer que dans la situation, dans le contexte de réception, il y a des éléments qui poussent à croire. Mais ça ne veut pas dire qu'on croit correctement. Alors, c'est d'autant plus important ce que vous venez de dire qu'il y a un texte de Hume sur la fiction et la croyance où il dit que c'est quand même différent. Et que ça ne doit pas nous surprendre après tout ce que nous avons dit, ce que vous avez dit. Le sentiment qu'on a dans la croyance est autrement plus vif que dans la fiction, croit-il en tout cas, lui, si j'ose dire. Il écrit ainsi, « Je dis que la croyance n'est rien qu'une conception d'un objet plus vive, plus vivante, plus forte, plus ferme, plus stable que celle que l'imagination seule est jamais capable d'obtenir. » Eh bien, nos fictions d'aujourd'hui, doublées des fake news d'aujourd'hui, sans parler même des deepfakes d'aujourd'hui, Claire Etchegaray lui donne tort, mais enfin, on ne peut pas trop le lui reprocher, il écrivait au XVIIIe siècle. Ouais, alors, je ne suis pas sûre qu'il ait si tort que ça. Et puis, comme disait Laurent, je pense qu'il aurait beaucoup apprécié votre extrait de film ou l'extraterrestre de Roswell ou ce genre de choses-là. Alors, si on résume, un fait, ça ne se démontre pas. Ça, c'est d'une certaine manière le défi que les journalistes doivent relever. Un fait, ça ne se démontre pas, ça se sent, mais ça se sent différemment que effectivement, ce qui se passe quand on conçoit quelque chose de très excitant, par exemple, mais dont on pense vraiment que c'est une fiction. Oui. Dire qu'un fait, ça se sent, c'est quand même un scandale pour la philosophie. Scandale, le mot est de Kant. Hein. C'est exactement ce que Kant reprochera à Jacobi, qui venait de publier David Hume ou La Croyance. Donc, c'est un scandale que de dire que les représentations des choses existantes sont une croyance au sens d'un sentiment. Mais il va falloir effectivement distinguer nos croyances raisonnables, les sentiments qu'on peut valider et celles qui sont d'une certaine manière celles qu'on a par préjugé parce qu'on se laisse avoir. Alors là, tout simplement, c'est une fois encore une question d'habitude. C'est-à-dire que chaque croyance est une expérience. C'est précisément là où nos expériences de croyances testimoniales passées, c'est-à-dire les croyances qu'on a eues sur les témoignages et qui se sont révélées soit à bon escient, soit au contraire, de mauvais partis, eh bien, vont induire des habitudes. Mais c'est aussi l'habitude de croire ce qu'on voit à la télé qui, évidemment, explique qu'on donne quelque crédibilité à un documentaire comme celui de Carrel. Vous ne trouvez pas que le problème est plus vertigineux encore si on retient ce qu'a dit Jean-Luc Godard, cité par William Carrel? C'est que certaines choses réelles ont l'air d'être de la fiction. Et là, c'est quand même beaucoup plus vertigineux. Et là, on est au-delà, me semble-t-il, de ce que Hume a pu penser. Alors là, je suis pas sûre, parce que je pense que dans ce qu'on vient de dire là, c'est-à-dire, c'est une forme de logique, mais de logique presque expérimentale, empirique. C'est-à-dire, on peut quand même discriminer entre des croyances raisonnables et des croyances qui ne le sont pas. En revanche, en métaphysique, si on commence à avoir un discours sur ce qu'est le réel, là, Hume est le premier à dire que précisément, en fait, c'est indiscernable, ce qui relève tout simplement d'une ontologie, enfin d'un être des choses, et ce qui relève de l'apparence. Ça, en revanche, c'est un point sur lequel Hume avait déjà bien anticipé les choses, mais je laisse Laurent peut-être... La fiction peut-elle être... aussi convaincante que le réel, et le réel ne ressemble-t-il pas parfois terriblement à de la fiction, Laurent Jaffroy? Oui, en fait, dans le texte qui vient d'être lu, Hume multiplie les formules pour parler de la même chose. Hein, il parle de vivacité, de force, etc. Ouais. Et ce qu'il veut dire, c'est que nos croyances sont fonction de notre habitude, de notre expérience. Donc, bien évidemment, tout dépend de la qualité de cette expérience. Et une fiction placée commodément dans un contexte où on a des expériences favorables, oui, qui favorisent la croyance, peut très bien être l'objet d'une croyance très vive. Et donc, il y a la question de la qualité de nos expériences, de notre information. Évidemment, si on a, on a affaire simplement à des platistes, et si on refuse d'aller au bord de la mer pour contempler l'horizon, on aura des croyances platistes. Donc, il y a une, les croyances sont raisonnables pour autant que la qualité de l'information est élevée, pour autant que les expériences sont riches et variées. Donc, c'est une question classique, hein, c'est la question de la manière dont on ouvre l'esprit, justement, à la variété des témoignages et des évidences. Et puis, il reste une chose quand même discriminante, pour de vrai, mais elle est rare dans nos vies, c'est de pouvoir être présent, sensiblement, physiquement, de pouvoir toucher ces faits dont nous parlons. Mais évidemment, on ne peut pas être partout et il nous arrive de valider des faits que nous n'avons pas vus parce que nous nous sommes fait avoir par des mauvais témoins. L'exemple à l'époque, c'est le prince de Siam qui vient juste après l'un des textes qu'on a vu. Et en fait, c'est un prince qui reçoit des ambassadeurs hollandais qui lui racontent que dans leur pays à eux, l'eau, l'hiver durcit et qu'on peut marcher dessus. Et le prince de Siam n'a pas voulu le croire. Locke a dit ça. Eh bien, c'est typiquement l'exemple du droit à l'erreur. Il avait raison. Parce que dans son expérience à lui, c'était pas crédible. Mais Hume rajoute, il l'aurait vu. Mais Hume rajoute, dans une note, oui, mais les Indiens devraient, c'est pas la question de, ici, ça, ils ne stigmatisent personne, ils devraient relativiser, leur expérience, leur croyance à leur expérience. C'est-à-dire que ce qu'on doit, en revanche, tenir le tort, c'est de ne pas faire l'effort de voir à quoi notre expérience est relative, à quelle expérience notre croyance est relative. Suis-je superstitieux ou simplement pas très honnête? que ça pour moi sans être. J'ai des doutes, fou, suis-je baisé comme un bleu. Plus tu recules, moins j'avance vers toi. Je tourne des boules à tranche, j'hésite entre la fuite et la disparition. Mais voilà, j'ai vite, je me dis que ça avait du bon. J'hésite entre l'autre, entre l'autre et toi. C'était « J'ai des doutes », une musique, une chanson de Benjamin Biolay tirée de la bande originale, donc il a faite lui-même, du film « Pourquoi tu pleures » de 2011. Je vous remercie beaucoup Claire Etchegaray et Laurent Jaffreau. Les références de vos travaux figurent sur le site d'Avec Philosophie. Il est temps de retrouver Frédéric Worms. Cette semaine, Frédéric Worms évoque la vertu du courage. Voici le pourquoi du comment. Comment devient-on vertueux ? Le terme de vertu semble avoir disparu de la philosophie morale où il a été central pendant plusieurs siècles, sauf peut-être dans une expression très étrange qui revient dans le langage ordinaire, c'est l'idée de cercle vertueux opposé par exemple à l'idée de cercle vicieux. C'est comme si la vertu et le vice, qui avaient été les grandes catégories de la philosophie morale pendant des siècles de philosophie et de morale, c'est comme si donc la vertu et le vice n'étaient restés dans notre langage que dans cette dynamique soit du pire, avec un cercle vicieux, un problème, un mal qui en entraîne un autre, et ainsi en cascade vers le pire absolu. D'un côté, donc ce cercle vicieux dont chacun connaît des exemples, et d'un autre côté, un cercle vertueux. Par exemple, vous faites le bien, et en plus de faire le bien de quelqu'un, vous lui donnez un exemple de vertu morale, et lui-même va s'inspirer de vous pour faire le bien. Et il y a ainsi une boule de neige du pire et une boule de neige du meilleur, et on peut espérer que la boule de neige qui descend vers le mal va être inversé par la boule de neige de Sisyphe qui remonte la pente et qui peut-être ne va pas toujours redescendre vers le vice. Mais y a-t-il quelque chose de plus profond dans cette dimension du cercle vertueux et du cercle vicieux ? Oui, bien sûr. C'est que depuis Aristote, depuis l'éthique à Nicomaque et l'éthique à Eudème, les grandes éthiques de la philosophie aristotélicienne, on sait que la vertu n'est pas seulement un type d'acte. Même le courage qui en est le modèle, qui en latin est un sens du mot virtus, la force virile, la force d'affronter le mal et la peur. Non, la vertu n'est pas seulement un type d'acte dans une situation donnée. La vertu est surtout une capacité individuelle qui se construit avec le temps et qui s'atteste dans la durée. L'homme courageux, ce n'est pas seulement celui qui, une fois, peut-être par hasard, a affronté la peur. C'est celui qui a en lui ce qu'Aristote appelle une disposition. En grec, une exis, une disposition à être courageux de manière constante. La vertu, c'est une disposition durable, au fond, du caractère, qui nous permet d'affronter telle ou telle division morale, tel ou tel problème, tel ou tel vice. Le vice en étant évidemment le contraire. Le vice, c'est une disposition habituelle à faire le mal, finalement. Quelqu'un de vicieux, c'est quelqu'un qui est tout le temps méchant. Eh bien, la vertu, au contraire, est l'acquisition d'une disposition intérieure à faire le bien, à faire le devoir et à l'approuver en permanence. De ce point de vue, le mot « vertu » a aussi quelque chose d'un peu mystérieux. C'est comme s'il y avait un pouvoir dans telle ou telle personne de faire le bien, dans telle ou telle autre de faire le mal. Il faut résister à cette image, un peu comme dans l'alchimie dont se moquait Molière. On dit qu'il y a une vertu dormitive de l'opium. La vertu, comment est-ce que l'opium nous fait dormir ? C'est parce qu'il a une vertu dormitive, ce qui n'explique rien, car la vertu dormitive est juste un mot qui explique pourquoi l'opium nous fait dormir. Non, la vertu n'est pas un mystère. La vertu est une capacité qui s'éprouve aux actes et finalement, dans la modernité, on a cherché à retrouver un sens du mot vertu qui ne s'appuie pas sur une doctrine des caractères, sur une nature des êtres humains, mais sur un travail avant tout contre son contraire, contre la faiblesse, contre la perversité, contre ce qui peut en effet devenir un vice. Peut-être faut-il reprendre la notion de vertu, mais non pas la sacraliser, comme si on opposait la vertu et le devoir, la vertu et les actes. Non, c'est en agissant, en regardant aussi, en s'inspirant des actes bons, des actes qui se font au nom d'un universel et contre ce qui nous sépare et nous détruit. C'est en effet dans une expérience temporelle que l'on peut devenir vertueux contre le pire. Merci à toute l'équipe d'Avec Philosophie pour cette émission qui a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Jordan Fuentes et qui a été préparée tout particulièrement par Carla Michel. Mais merci aussi à tous les autres, Anna Fulpin, Chaïma Giboire, Marine Boudelier et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.